L'imagination par Jules Lemaître. Le soir où la grande tragédienne Tosti fit baisser le rideau au milieu du troisième acte de Frédégonde, non pour une syncope ou une crise de nerfs, mais parce qu'elle se sentait lasse, incurablement lasse, parce que les jambes lui manquaient, parce que la voix s'arrêtait dans sa gorge, enfin parce qu'elle avait 50 ans et qu'elle n'en pouvait plus, rentrer chez elle sans avoir eu seulement la force de quitter son costume de théâtre, seule dans sa chambre ultra-gothique, effondrée devant sa grande glace à 5 panneaux qui lui renvoyait une Frédégonde macabre, effrayante, une tête de morte entre de lourdes tresses blondes, de fausses tresses, Cornélia fut prise d'un violent désespoir. Elle pleura longtemps, et ce ne fut que vers l'aube qu'elle se jeta sur son lit en travers, toujours dans sa robe mérovingienne, une des tresses pendant jusqu'à la peau de tigre qui servait de descente de lit. Le lendemain, le médecin déclara pour la 100e fois que la malade devait renoncer au théâtre et qu'à peine pourrait-elle encore créer un dernier rôle dans la Mélisandre que l'illustre dramaturge Eusebio Nazone écrivait pour elle. Et cette fois, Cornélia crut le médecin. Ainsi, les tournées triomphales à travers l'Europe, l'Amérique et l'Asie, les jeunes gens des villes lointaines qui dételaient sa voiture, la vague toute rouge de roses effeuillées autour de sa barque de gala dans la baie de Stockholm, ailleurs les par-dessus mastiques des Rastaquaires, lui faisait un tapis au sortir du théâtre, l'ivresse des rappels à la douzaine qui font qu'on se traîne et qu'on demande grâce en envoyant des baisers, la démence des applaudissements, pareille aux crépitations croissantes et décroissantes d'une fusillade inépuisée, les chères brutalités de la réclame et des interviews, une vie effrénée, délicieuse et chimérique, et aussi des plaisirs plus intimes et plus nobles, la joie de réaliser les plus belles visions des poètes, de leur prêter sa chair et son âme, de les sentir vivre en soi, tout cela, c'était fini. Et dans quelques années, dans quelques mois peut-être, la Tosti serait effacée de la mémoire des hommes. Cornélia songeait à d'anciennes actrices qui avaient été presque aussi illustres qu'elle et dont personne ne parlait plus et qui n'étaient maintenant que de grosses dames vivant avec des chats et des perroquets dans quelques petits jardins de la banlieue de Florence. Être cela, après avoir été reine et plus que reine, non, ce n'était pas possible et elle n'y consentait pas. Mieux valait la mort qu'une si ridicule déchéance. Oui, mourir ainsi qu'une héroïne de drame qui ne veut pas survivre à son rêve, ou qu'une impératrice de légende qui, son empire détruit, s'étrangle avec son bandeau pour n'être pas esclave chez le vainqueur. Car l'idée de la mort, comme toutes les autres, ne se présentait à l'esprit de Cornélia que revêtue d'un appareil scénique. La mort, pour elle, c'était un effet de théâtre, le plus sûr, un effet de 5e acte. Un jour donc, dans la loggia de son palais, peuplée de bouddhas et de singes, encombrée d'objets bizarres apportés des 5 parties du monde, et où de jeunes littérateurs étaient épars dans les coins, sur les tapis et les peaux d'ours des divans, Cornélia dit d'une voix languissante « Croyez-vous au pressentiment? Moi j'y crois. Quelque chose me dit que je mourrai sur la scène pendant la première de Mélisandre. » Elle ajouta mystérieuse « J'en suis sûr, entendez-vous? J'en suis sûr. » Le mot parut le lendemain dans les gazettes florentines et accrut la curiosité que Mélisandre excitait déjà. On commençait à répéter la pièce. Cornélia, très faible, se traînait aux répétitions, ne se tenait debout que par un effort de toute sa volonté tendue et frémissante. L'héroïne du drame, une femme énigmatique et funeste aux hommes, après avoir entassé les crimes, s'empoisonnait au dénouement et mourait sur la scène. Cette mort, au dire des courriers des théâtres, serait le clou de l'œuvre, dépasserait en horreur tragique l'agonie célèbre de la Crocetta dans le Sphinx ou du Grand Moneto dans Hernani. Quelques jours avant la première représentation, Cornélia prit dans un coffret un très curieux petit flacon formé d'une émeraude taillée et creusée qui lui avait été offert par un raja. Puis, en présence des jeunes littérateurs épars sur les tapis, elle détacha d'une panoplie d'armes sauvages un faisceau de flèches empoisonnées. Elle appela sa fidèle habilleuse et gouvernante, la vieille Giuseppa, qu'elle traînait derrière elle à travers le monde depuis 30 ans, et lui remettant le flacon et les flèches. « Tu feras, dit-elle gravement, tremper les pointes pendant plusieurs jours dans un peu d'eau. Tu verseras l'eau dans ce flacon et tu me le donneras le soir de Mélisandre. »« Bien, madame, répondit Giuseppa. Jure-moi sur le Christ que tu feras ce que je viens de te commander. »« Je le jure. Sur le Christ, sur le Christ. » Les jeunes littérateurs souriaient. « Vous verrez, fit Cornelia avec un mouvement de tête si tragique que les jeunes littérateurs en furent troublés. Savait-on en effet de quoi elle était capable ? Cornelia fut sublime à la première de Mélisandre. Elle sut tirer de sa voix brisée et de son corps défaillant des effets inouïs de pathétique et de terreur. Le tout Florence, d'abord un peu résistant et railleur, il y avait si longtemps qu'il admirait Cornelia, se laissa une fois de plus dompter par sa grande tragédienne et lui fit une ovation frénétique où la tristesse des fêtes finies, le jamais plus des séparations, se traduisait par le délire même d'applaudissements qui ne voulait pas s'éteindre. Puis, le jeu de la Tostille était d'une vérité si poignante qu'une angoisse peu à peu gagnait la salle. L'héroïne de la pièce, on le savait, mourait au dénouement. Pour rester égale à elle-même dans la représentation de cette mort, qu'allait donc faire Cornelia ? Et l'attente vague de quelque chose d'extraordinaire oppressait les mille cœurs de la foule. Au dernier entr'acte, plus livide dans l'écroulement des fleurs qui remplissaient sa loge, quand elle eut doucement mis à la porte la cohue des habits noirs, en répétant, avec ce qu'elle pouvait retrouver de sa voix de cristal, « Adieu, mes amis !» Tandis que la sonnette de l'avertisseur passait dans les couloirs, Cornelia ouvrit la fenêtre, qui donnait sur une des ruelles les plus noires de la vieille cité, et respirant à longs traits l'air saturé d'une odeur d'ail et d'humanité pauvre, elle cria « Adieu, Florence !» Puis à Giuseppa, le flacon. Giuseppa le lui tendit sans dire un mot. « Et maintenant ?» Allons mourir. » Et la Tostille entra en scène. Elle mima et tour à tour gémit et hurla surnaturellement le cinquième acte, où Mélisandre, traquée, démasquée, tous ses crimes des quatre premiers actes se tournant contre elle, cherchait enfin un refuge dans la mort. À ce moment, Cornelia tira de son sein le flacon d'émeraude. Au fond, tout au fond, peut-être, n'ignorait-elle pas que le poison des flèches, à supposer qu'il fût authentiquement mortel, ne pouvait agir que s'il était introduit dans les veines par une piqûre. Mais au reste, elle savait, elle était sûre, que Giuseppa ne lui avait point obéi et n'avait dû mettre dans le flacon que quelques gouttes d'eau claire. Et pourtant, à peine eut-elle porté le flacon à ses lèvres, elle tomba sur les planches, rudement, comme foudroyée. Elle devint verte. Ses membres eurent de ces contorsions que nul artifice ne saurait imiter. Elle n'eut pas la force de prononcer les derniers mots du drame et deux de ses camarades durent l'emporter par la tête et par les pieds. La mort était apparue si évidente, si indiscutable dans ses yeux révulsés, que le public tout entier s'était levé de terreur. Et personne ne douta que la Tostille ne se fût réellement et volontairement empoisonnée. Personne, pas même Giuseppa. La vieille femme avait elle-même, quelques heures auparavant, penchée sur les trois goulots du flacon vide, une des carafes de la salle à manger. Toutefois, elle se jeta sur le corps de sa maîtresse en criant, comme tout le monde, « Elle s'est empoisonnée, elle l'avait bien dit !» Cornelia se crut, pendant 15 jours, entre la vie et la mort. Pendant 15 jours, tous les journaux d'Europe et d'Amérique donnèrent les bulletins de sa santé. Et les médecins découvrirent le nom et expliquèrent aux reporters les propriétés et les effets du poison qu'elle n'avait pas pris. Et 6 mois après sa représentation d'adieu et son empoisonnement, Cornelia, rajeunie, faisait sa rentrée au Grand Théâtre de Florence. Ainsi s'achève L'imagination par Jules Lemaître.